les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Donner des soins aux indigènes, avoir l'esprit missionnaire, être le médecin blanc luttant contre le sorcier, avoir un grand projet pour l'hygiène et la prophylaxie, une politique de l'eau potable, éradiquer, en tout cas soigner, les maladies tropicales et, avec cela, concourir à la grandeur de la France. Il fallait être médecin, médecin colonial, médecin de brousse. Occupation et pacification, un médecin vaut un bataillon. Sur la chaîne coloniale, c'était le mois de la France d'outre-mer, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions le 15 octobre 1945. Et voici maintenant l'émission de la France d'outre-mer. Vous allez entendre une émission, « La médecine coloniale en marche » de Maurice Bâtissard, d'après la conférence que fit le vendredi 12 octobre à 17h30, le médecin commandant Boret au Grand Palais. À cette occasion, nous informons nos auditeurs que chaque jour, ils entendront sur nos antennes pendant le mois de la France d'outre-mer des adaptations, des conférences faites dans le cadre de l'exposition de la France d'outre-mer dans la guerre, organisée par le ministère des colonies. Alors, tu es décidé ? Fermement décidé, je serai médecin colonial comme mon oncle. Médecin de brousse ? Médecin de brousse. Si c'est là ta vocation, je m'en voudrais de la contrarier. Pourtant... Mais il n'est pas de profession libérale plus curieuse que celle de médecin colonial et plus capable de former l'esprit. Peut-être, mais c'est aussi une carrière remplie d'embûches. De triomphes aussi. Mais chacun peut y trouver mille occasions de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas encore, d'enrichir le domaine de la science et de contribuer à l'accroissement de l'influence française parmi les populations plus ou moins évoluées placées sous notre tutelle. Je ne dis pas non. Mais toi, tu ne dis rien. Tu es pourtant bien placé pour lui donner des conseils. Oh, moi, je suis l'oncle. L'oncle doit s'effacer devant le père. Et quand celui-ci est magistrat comme toi... enfin, puisque tu me demandes mon avis, eh bien, je crois que Marcel a raison. Il a toutes les qualités pour faire un bon avocat. Il sait défendre une cause, mazette. Le médecin colonial, en tout cas, n'aurait pas de meilleur défenseur. Mon oncle, vous vous moquez, n'est-ce pas ? N'est-ce pas que j'ai choisi le plus beau des métiers ? Oh, tu veux dire le pire, oui. Oh, ben, il faut l'avoir pratiqué comme moi pour le connaître. Mais il n'y a pas que le typhus et la peste à combattre. Il y a aussi la neurasthénie équatoriale qui vous prend à la gorge, la tristesse des heures isolées de brousse. Bah, c'est peut-être plus terrible encore. Oh, je te dis, c'est le pire des métiers. Non, je ne vous crois pas. Et tu as raison. Je connais mon frère, il ne dit pas ce qu'il pense. Alors, allons, ne donne pas la peine de mentir, vieux flibustier. Ah, eh ben oui, là, c'est le plus beau des métiers. Et tu ne crois pas si bien dire en me traitant de flibustier. Ça. Ben, n'avons-nous pas commencé, nous, médecins coloniaux, un vrai gars de la flibuste, là, le chirurgien barbier Olivier Wexmélin, qui fut l'un des plus marquants parmi ceux de l'île de la Tortue. Ah oui, Marcel, hein, je comprends ton enthousiasme. Mais comme tu le disais à peu près tout à l'heure à ton père, le médecin colonial, c'est l'agent d'influence, c'est le gardien du prestige de l'homme blanc. Ah, quel rôle merveilleux! Et d'ailleurs, Wexmélin, boucanier de pure race, et les missionnaires médecins perdus au milieu des sauvages du Nouveau Monde, tel ce frère René Goupil, que les Iroquois supplicièrent sur le territoire où s'élève aujourd'hui la magnifique cité de New York, ben, tous ces modestes praticiens suivaient déjà nos trois préceptes. Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. De quand date exactement l'organisation du véritable service de santé colonial ? De 1720. Sorti des écoles de chirurgie navale de Rochefort et de Brest, de jeunes Français vont alors pratiquer un art moins rudimentaire dans nos possessions lointaines. C'est la belle aventure! Et en 1830, la France, qui à un moment avait perdu presque toutes ses possessions d'outre-mer au point de ne garder que des vestiges sans cohésion, reprend la conquête du monde lointain et peu à peu se découpe dans des territoires plus ou moins hostiles, plus ou moins civilisés, ce gigantesque domaine qui est devenu l'Empire colonial français. Et c'est encore la belle aventure, car naturellement les médecins et les chirurgiens de marine participèrent dans toutes les parties du monde à la grande épopée coloniale. ces médecins combattants des colonnes mobiles, véritables pionniers, trop souvent anonymes, sont ceux qui composèrent la phalange héroïque qui fit dire plus tard à l'hôtel africain, dans l'occupation et la pacification, un médecin vaut un bataillon. Et quand les opérations glorieuses de la conquête font place au travail plus silencieux de la pacification. Quand la colonne s'arrête, le médecin installe son poste médical. Oui, il donne ses soins aux indigènes de villages voisins, aux guerriers qui nous combattaient la veille. Eh oui, c'est ainsi que la médecine coloniale naît. Elle va faire sienne la formule d'Emerson. Il faut atteler sa charrue à une étoile. Car depuis plus de 60 ans, tous ces médecins coloniaux français qui luttent difficilement, opiniâtrement, dans les grands espaces coloniaux, le font sous le signe du cœur. C'est exactement l'esprit missionnaire. Mais exactement. Et qui saura dire la somme de travail, de volonté, de patience, de charité déployée, de fatigues endurées dans l'obscur accomplissement de la tâche quotidienne. Mais la révolution pastorienne va apporter à cette médecine coloniale une technique qui permettra d'organiser scientifiquement la lutte contre les grands fléaux coloniaux. Et nos vieux patrons n'ont-ils pas été pour la plupart des pastoriens? N'ont-ils pas continué le message de Pasteur essayant de réaliser son souhait de voir la France première parce que la meilleure dans les travaux de la pensée et de l'intelligence? Quelle probité intellectuelle, quelle leçon d'énergie et de volonté, quelle horreur de la médiocrité chez un Lavrant qui en 1880 découvre les matozoaires du paludisme. Chez un Calmette qui, avant de trouver le BCG, avait déjà en 1890 à Saïgon mis au point la préparation des sérums contre les venins des serpents. Chez un Yersin qui en 1894 à Haïphong découvre le bacille de la peste et émet l'hypothèse de la transmission du virus par le rat. Chez un Simon qui, en 1897, montre le rôle de la puce dans la transmission de cette même peste. Je me demande ce qu'ont trouvé vos grands anciens. Tu vois, Marcel, que je te considère déjà comme appartenant à la tribu de la Phlibus médico-coloniale. Lorsqu'ils arrivèrent sous les tropiques avec les premiers explorateurs, les premiers détachements d'infanterie de marine. Eh bien, l'ignorance absolue des règles les plus élémentaires de l'hygiène. Ça, Marcel a raison, et ce manque d'hygiène dans lequel vivaient les autochtones créait un milieu éminemment favorable à l'éclosion et à la dissémination de nombreuses épidémies. Tenez, ainsi, en Indochine, le choléra se manifestait par de véritables pandémies. La peste régnait à l'état endémique au Tonkin, en Annam, en Cochinchine. La variole exerçait des ravages épouvantables. Les malgaches gardent encore le souvenir des épidémies terribles de 1864, 1869, 1878, 1892. La fièvre jaune sévissait presque chaque année en AOF et aux Antilles. Le paludisme, les dysenteries, le beriberi, le pian, la lèpre, la syphilis, la maladie du sommeil, les pyodermites, les parasitoses multiples traitées à l'aide d'une pharmacopée empirique parfois dangereuse, avaient une répercussion des plus fâcheuses sur la démographie. Les pratiques obstétricales maladroites, auxquelles s'ajoutait le manque d'hygiène, le manque de soins de la première enfance, entraînaient une mortalité infantile considérable. C'est avant 1890, n'est-ce pas, mon oncle, sous l'uniforme de la marine, puis sous celui du corps de santé des colonies, que vos grands anciens ont jeté les premières bases de l'assistance médicale indigène. Ah oui, mais il ne faut pas oublier que ce 1900, avec le képi à fond noir des marsouins à bandeaux de velours rouge, sur lequel est brodée cette petite encre dorée à laquelle nous tenons tant. Cette assistance médicale indigène, que nous dépassons à peine, a d'abord été curative. Elle seule, avec ses résultats immédiats et tangibles, était capable de nous concilier la confiance des populations. Si je comprends bien, c'était la lutte du médecin blanc contre le sorcier traditionnel. C'était, et c'est parfois encore, la belle aventure. Eh, mais quelle patience, quelle ingéniosité pour réussir des opérations chirurgicales avec des moyens rudimentaires. Oh, je ne ferai pas l'apologie du médecin colonial de Brousse, mais je citerai tout de même le nom de Jameau, qui fut notre entraîneur à Beaucourt. Jameau, qui organisa au Cameroun, dès 1925, la lutte contre la maladie du sommeil. Oui, et qui nous apprit que la persévérance dans l'effort et la foi dans le travail entrepris apportaient tôt ou tard la réussite. Aujourd'hui, le terrain sanitaire est bien débroussé. Le médecin du corps de santé des troupes coloniales n'est plus aussi perdu dans l'immensité des terres tropicales. Il y a des hôpitaux, des dispensaires, des maternités, des laboratoires équipés. Et partout, la maladie est dépistée. Ainsi sont appliquées à la lettre les recommandations de la conférence de Brazzaville, où le général de Gaulle disait dans un discours d'inauguration « Mais nous sommes sûrs qu'aucun progrès n'est, ni ne sera un progrès, si les hommes qui vivent dans leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement. » Mais dites-moi, mon oncle, le médecin général inspecteur Vaucel, directeur du service de santé des colonies, Ne vient-il pas de mettre en œuvre un vaste programme d'hygiène mobile et de prophylaxie? Ah oui, c'est un magnifique programme qu'il faut développer sans retard. Il faut prospecter et traiter les masses indigènes. Il faut organiser l'hygiène urbaine et rurale. Il faut avoir une politique de l'eau potable dans tous les villages. Car presque toutes les grandes maladies coloniales ont un rapport étroit avec le problème de l'eau. Il faut une politique d'hygiène de l'habitat, du vêtement et surtout de l'alimentation. Il nous faudra alors beaucoup de crédit. Ah oui, parce qu'il nous faudra de grands moyens. Nous n'avons pas de temps à perdre. Tu n'auras pas, Marcel, futur toubib de brousse, un bagage d'histoire médicale coloniale semblable au mien, non? Il faut que nos édiles coloniales vivent facilement pour qu'elles donnent leur maximum. Il nous faut des cadres et leur assurer un traitement honorable pour eux et pour la France. Oui, pour la France. Car j'ai lu que les autres nations colonisatrices assurent à leurs cadres techniques un standing de vie qui leur permet de tenir leur rang, ce qui, au milieu colonial, doit être très important pour des cadres de maîtrise. La médecine coloniale en marche a un merveilleux programme d'action. Et le corps de santé colonial, descendant de la marine, le corps des pérégrins et des errants doit continuer à se recruter dans une bonne et vieille maison. Telle est l'école de santé navale et coloniale de Bordeaux. C'est là, en effet, que se sont façonnés tant d'éléments d'élite, dans une atmosphère de travail et de tradition. C'est là qu'ils ont affirmé leur mentalité d'évasion. Demain, nos jeunes, dans des écoles d'application créées à Hanoï, Dakar, Tananarive, fixeront leur destinée, puis prendront la route que les anciens ont difficilement ouverte. Cette route harmonieuse dont nous avons tous rêvé. Eh, il y a encore beaucoup à faire. Nous continuerons cependant à croire, comme affise, que l'effet de tout notre labeur n'est pas que vanité. Peggy disait qu'il ne dépendait pas de nous que l'événement se déclenche, mais qu'il dépendait de nous de faire notre devoir. Nous savons qu'il ne suffit pas de conjecturer, qu'il faut toujours, avec acharnement, vouloir réaliser. Aussi, nous croyons que ce n'est pas en vain que les chapelains des croisades, les missionnaires français du Nouveau Monde, les fratères des vaisseaux et des îles, les médecins et les chirurgiens de Choiseul ont précédé notre corps de santé coloniale qui s'est épanoui vraiment à l'ombre du grand pasteur. Et nous savons que nous sommes nécessaires à cette communauté française ressuscitée et rénovée qui se tourne maintenant résolument avec confiance vers l'avenir. C'était une émission de La France d'Outre-mer, La médecine coloniale en marche, de Maurice Battissard, d'après la conférence donnée par le médecin commandant Boré au Grand Palais à Paris. Émission diffusée sur la chaîne Coloniale le 15 octobre 1945. Émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Depuis que je suis sur la terre, c'est pas rigolo entre nous. J'ai vécu une santé précaire et je me fais un mauvais sens. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. J'ai le ventre qui se rentre, le gésier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démanchent, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se démine, les épaules qui se frôlent. J'ai les reins, les profins, les maillots, les repos, le sacrum qui est tout comme, et les genoux qui sont mous. Dévoyez-vous, c'est pas tout, dévoyez-vous, c'est pas tout, dévoyez-vous, c'est pas tout. J'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les gibbons qui flageolent, j'ai les chevilles qui sortent.